clair, obscur. Les musiques sont sur Rage. Thank you. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Comme on vous l'avait laissé entendre la semaine dernière, cette émission ce soir est une émission un petit peu spéciale. Allez, je vous donne un indice. Moi, exceptionnellement, ce soir, j'ai mis un slip kangourou. Et Nathalie, quant à elle, elle a ramené dans sa poche plein de bons CD pour ce soir et elle est particulièrement d'humeur bondissante en ce mercredi à partir de 22h sur Rage. Bonsoir à tous, bonsoir mes petits kangourous. Bon, d'accord, c'est pas très gothique, mais pourquoi je dis ça ce soir, kangourou ? Oh, est-ce qu'on a fait une spéciale ? Faut pas confondre les Renault Orange et les kangourous, hein. Ah, j'ai pas pu m'empêcher de la faire celle-là. Oui, comme vous l'avez laissé entendre la semaine dernière, disais-je, ce sera une émission thématique ce soir, ça nous manquait, et en ces périodes où on se pèle les miches chez nous alors qu'on est en hiver, eh bien on avait envie de vous emmener sous d'autres latitudes, aux antipodes pour le coup, où là où les gens sont en été, en ces contrées lointaines d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et pour commencer avec un groupe de référence, j'ai envie de dire, même si j'imagine les grognons qui font la tronche derrière le poste de radio en disant que ouais, c'est du commercial. Bah oui, mon vieux, t'as raison. Mais c'est pas grave. C'est du commercial, c'est vrai. Mais on s'en fout parce que ce morceau, je l'écoutais quand j'étais petit et pour moi, il compte beaucoup. C'était Hell's Bells de AC/DC, le groupe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui n'a plus rien à prouver de toute façon. Et c'était un extrait de l'album Back in Black qui était sorti en 1980. Voilà, donc je disais, c'est vrai que ces temps-ci, il fait froid. Et du coup, bah, on va se réchauffer avec une playlist consacrée à ces deux pays lointains, dont parfois on ignore qu'ils ont de très bons groupes. Et pourtant, il a été très, très difficile de choisir. C'est vrai que moi, j'ai souvent eu la réaction quand je dis on fait une spéciale Australie. Il y a des groupes là-bas ? Oui. Il y en a tellement qu'on a tellement du mal à choisir que peut-être, si vous êtes sage ou pas, on vous fera une deuxième couche. Et promis, on vous ramènera pas seulement du In Excess, Dead Can Dance et Nick Cave. On a aussi plein d'autres pépites, comme celle que j'ai envie de ramener tout de suite. On vous parlait de pays ensoleillés, qui dit Australie, dit belle plage, dit belle déferlante et dit donc surf. Et c'est avec de la surf music que j'ai envie de continuer, mais évidemment, la surf music dans Clair Obscur, ça sonne toujours de manière un petit peu particulière avec le morceau que je vous ramène tout de suite, Zombie Beach. La boom, c'était un petit peu de surf music, mais à la sauce Clair Obscur, à la sauce psychobilly pour le coup, avec le groupe Zombie Ghost Train. Je vous en avais déjà ramené pour la mission spéciale Halloween il y a quelques mois. Court, mais bon. Voilà, et c'est un extrait d'un album sorti il y a quelques années, Black Rags and Body Bags, pardon. Et donc on va continuer dans cette playlist consacrée à ces pays lointains, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, dont on connaît quelques têtes d'affiche. Je parlais tout à l'heure de In Excess. Là, on entend Midnight Oil, ça rappellera peut-être à certains vieux routiers des années 80, le groupe mythique de cette période-là. Et nous, on a envie de vous faire découvrir peut-être des groupes un petit peu plus confidentiels, un peu moins connus, venus de ces latitudes du sud des antipodes, je disais tout à l'heure. Et on va continuer avec un groupe. Là, on va faire, pour le coup, comme à notre habitude, un grand écart musical. On va passer du psychobilly à l'électro avec un groupe de Melbourne. Un groupe assez médiocre, je vous l'avoue, puisque les albums que j'ai écoutés m'ont pas énormément plu, mais de temps en temps, au milieu de ces albums, il y a quand même des petites perles de dancefloor, des bombes à dancefloor, comme j'aime à le dire parfois. Et c'est l'occasion du morceau, c'est le cas du morceau que je vous ai ramené tout de suite, New Tomorrow, c'est le groupe Neu Europa, et ça continue à peu près comme ça. We'll be right back. Vous imaginez 15 armoires à glace, des grands costauds qui ont l'air constipés et qui vous font des grimaces en hurlant et en se tapant sur les cuisses, et ben ça donne à peu près ça, le haka des All Blacks. Évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus pour une émission consacrée à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En tu plus, nous fais une petite démonstration ? Je suis un petit peu trop maigre et un peu trop blême pour ça, mais c'est vrai que quand bien même ils ont l'air un petit peu grotesque à la télé, si j'étais en face d'eux, j'aurais pas envie de leur dire. Oui, je crois que tu leur dis rien, voilà, si tu laisses passer. Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'était donc une manière de montrer qu'avec des synthétiseurs ou bien en acoustique à main nue, eh ben, y avait de l'énergie à revendre dans ces pays-là. À l'instant, c'était No Europa avec un extrait de leur album The Blitz qui était sorti en 2007. Et c'était le morceau New Tomorrow enchaîné avec un extrait du haka des All Blacks qui ouvre chacun des matchs quasiment puisqu'ils ont l'habitude de gagner et régulièrement. Ils les finissent aussi, oui, en général. Va savoir. Et ce soir, on a un petit souci avec Internet. Malheureusement, oui, Internet nous fait des siennes, donc s'il y a quelques gentilles personnes qui ont eu la bonne idée de se connecter à la chatbox, il ne vous restera qu'à discuter malheureusement entre vous, parce que je ne peux pas me connecter, c'est avec grand regret. Toutefois, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur le Facebook, que vous pouvez retrouver via le groupe Lire Obscur, le MySpace aussi, ça nous fait toujours plaisir, laissez-nous vos petits messages, c'est toujours agréable. Malgré les modems qui font la gueule. Et on va continuer, on était en Nouvelle-Zélande avec les All Blacks, on va continuer avec quelque chose d'un petit peu plus doux tout de même, puisque j'ai envie de vous faire découvrir un groupe qui lui n'est pas du tout goth, mais qui en fait une jolie reprise dans les styles musicaux qui nous intéressent. Je m'explique. Il s'agit de The Brunettes. The Brunettes, c'est un duo, un gars, une fille, ils sont mignons, ils font une petite pop acidulée, un peu comme AS Dragon chez nous par exemple, ou alors anciennement... Ellie Medeiros et Jacquenot. Ellie et Jacquenot, vous vous souvenez sucré, ce duo ? C'est mignon. Ouais, voilà, ce genre de pop toute mignonne, toute gentille qu'on avait chez nous au début des années 80. Et il se situe un petit peu dans cette veine-là. C'est une pop qui va chercher du côté des 60s, etc. De temps en temps, ils font des petits détours par des styles un petit peu différents. Tout au long de leur carrière, ils ont fait ça. Ça fait bien 15 ans maintenant qu'ils tournent. Et ils ont fait une reprise de The Cure. Une chanson de The Cure qui plaît sans doute à beaucoup d'entre vous, il s'agit de Love Song, une petite chanson qui est très douce, elle aussi, dans sa version originale. Quoique la coupe de douille de Robert Smith soit tout à fait différente des coupes lisses et sages et proprettes des Brunettes que je vous ramène ce soir. Et moi, j'ai envie de vous faire découvrir cette reprise toute mignonne, toute gentille, d'un classique de la scène New Wave, une reprise de The Cure avec The Brunettes qui nous reprennent Love Song. Et là, qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu veux? J'ai des pyramides, des Bart Simpson, des arlequins. Des kangourous. Les quoi? Ça c'est fun le kangourou. Kangourou? C'est quoi les kangourous? C'est ça. C'est ça, j'en veux pas. À l'instant, c'était mes petits kangourous. J'espère qu'on ne vous a pas aperçu en train de sauter par-dessus votre fenêtre ou autre. À l'instant, c'était Nick Cave avec Lydia Lunch, Scatterbrain et juste avant, un groupe que nous a ramené Stéphane pour cette spéciale Australie-Nouvelle-Zélande, The Brunette, avec le morceau Love Song, reprise de The Cure, donc quand même pas rien. Et pour en dire un mot sur Nick Cave, qui est quand même une figure incontournable du domaine gothique, Bat Cave et autres, grande personne qui est d'Australie, qui est une personne à la base très pieuse, qui, marquée profondément par la mort de son père, a quand même un passé musical assez lourd, vu qu'il a quand même commencé avec un groupe au niveau de l'école qui s'appelait The Boys Next Door. Moi, j'ai toujours adoré ce petit délire, parce que le mec d'à côté, quoi, le mec que tu remarques pas, le bon pote. Oui, enfin, moi, ça me rappelle plutôt ce que tu vois sur les sites porno. La Girl Next Door, c'est vraiment le fantasme de pas mal de mecs, quoi. Comme quoi, il n'y a pas besoin de... Mais peut-être que les nanas ont les mêmes inversés, va savoir. Ah, Nick Cave, moi, Boys Next Door, je veux bien comme voisin, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai que c'est un beau ténébreux qui a dû, par contre, quitter son île pour avoir du succès, puisqu'en fait, il est connu pour les groupes qu'il a montés à Londres. À Londres et à Berlin-Ouest, à l'époque. Donc, The Birthday Party, qui est The Boys Next Door, ils l'ont renommé, parce qu'ils trouvaient qu'il manquait quand même de crédibilité, ce qui n'est pas faux dans l'idée. Hein. Et après, donc, ils ont fait aussi... ça y est, ça me revient... The Bad Seeds, tu veux voilà, dire voilà, là j'aime moins cette période-là, donc tu vois, inconsciemment j'ai dû un petit peu. Moi, c'est exactement l'inverse. C'est vrai que parfois The Bad Seeds, ça fait un peu plus variette, entre guillemets. Si je peux juste rajouter une anecdote à propos de Nick Cave, c'est qu'il apparaît dans le film Les ailes du désir de Wim Wenders, qui a été tourné à Berlin-Ouest, justement, comme tu le disais, en 1980 ou 81. C'est un film très poétique avec une ambiance assez mystérieuse. Et si vous avez l'occasion, ne serait-ce que pour la musique qui est souvent de bonne qualité dans les films de Wim Wenders, ou bien pour le jeu d'acteur de Bruno Gans et consorts, eh bien moi je vous conseille ce film-là. Mais en parlant justement d'actualité cinématographique, tu me tends la perche, parce que Nick Cave a quand même le morceau Oh Children qui ressort dans le dernier Harry Potter. Oh, ça dure 10 secondes, hein, mais moi ça m'a fait énormément rire d'entendre ça dans ce film-là. Bon, même s'il n'est plus trop destiné à des gamins, mais on sent quand même le petit clin d'œil. C'est inattendu. Ça m'a fait sourire, oui. Et donc Nick Cave, donc inattendu, qui a quand même écrit des livres, qui a publié du théâtre, qui a fait énormément de choses, a aussi collaboré avec Lydia Lunch, dont le morceau que je vous ai ramené ce soir. Mais il n'a pas fait que ça, parce qu'il a aussi collaboré avec la chanteuse Kylie Minogue. Je pense que là, c'est le truc à laquelle on ne s'attend pas de la part d'un beau ténébreux plutôt issu d'une scène pas confidentielle, parce que ça reste quand même assez commercial. Mais moins grand public que Kylie Minogue et sa petite pop sucrée. Voilà, le mec qui vient du post-punk arty, qui a un grand costaud, ténébreux, etc. Et puis la petite nana pimpante blondinette, ouais. Qui fait, comme tu le dis, de la pop sautillante. Et ben, comme c'est quoi, inattendu là aussi. Vous verrez que des fois les extrêmes se rencontrent et que ça peut donner des choses sympas. Je n'en dis pas plus. Je rajoute juste une petite anecdote qui m'avait fait sourire à l'époque. C'était à la fin des années 90. Nick Cave avait sorti un album en solo sur le label Tricatel, un label français, le label de Bertrand Burgala, qui est plutôt connu pour ses délires pop électro que pour le rock un petit peu expérimental de Nick Cave. Comme quoi, il est capable de faire des mariages et des collaborations tout à fait saugrenues, y compris celle que tu viens de citer avec Lydia Lunch, où on aura l'occasion d'y revenir. Harry avec Potter. Kylie Monet. Kylie Minogue aussi. Bien vu. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que vous êtes sur Rage. Vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault, du côté d'Arles, du côté de Nîmes et un petit peu au-delà. Sinon, bien entendu, il reste Internet pour vous, puisque nous, on est fâchés avec le modem ce soir. C'est sur le www.rage.fr que vous pouvez nous écouter en streaming. Et c'est toujours un plaisir d'avoir vos messages sur le Facebook. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, donc n'hésitez pas, ça fait toujours vraiment plaisir. Et ce soir, c'est une émission consacrée à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande dans cette session de clair-obscur. Jusqu'à 23h, on va faire un petit tour sous les contrées ensoleillées de ces pays lointains. Et on continue, mais avec des musiques bien plus sombres, ce dont on a l'habitude après tout dans notre émission, que tu nous as ramené du côté de la scène goth metal australienne, il me semble. La scène goth metal australienne avec un groupe de doom gothique formé en 2009, Miraes. Alors, ils n'ont pas énormément de production à leur actif, le groupe est jeune, à 2009, on va leur laisser le temps d'évoluer. Mais moi, c'est un groupe que j'ai énormément apprécié. Parce que c'est vrai qu'on a écouté beaucoup de choses. Alors, il y a eu du bon, du moins bon, par exemple, des choses qu'on a moins accrochées. Et bien, il y a des coups de cœur aussi. Et ce groupe Miraes, moi, je trouve qu'il y a une patate qui se dégage. Ça, c'est agréable à écouter. C'est un mélange. Il y a du métal bien noir, bien sombre, du un petit peu evenly. Voilà, c'est tout à fait à l'image de ce que j'ai beaucoup entendu, moi, dans ces groupes australiens, où on a vraiment l'aspect evenly. Ça tourne des fois un peu en rond, c'est vrai, hein, quand on écoute leur maxi, y a des fois où on se dit, bon, on passe à la suite ou pas, mais on va leur laisser le temps d'évoluer. En attendant, je vous laisse avec ce groupe, moi, qui m'a beaucoup plu, Miraes, et le morceau se nomme Alone in the Purgatory. Thank you. Torturing silently, trying. À l'instant, le groupe Avrigus avec le morceau de Beauty and the Pain, issu de leur dernier album datant de 2010, donc c'est tout frais. Et juste avant, Mires avec Alone in Purgatory, un peu plus bourrin, mais toujours aussi sympa. On est toujours dans la spéciale Australie. Et pour en revenir à la spéciale Australie, je voulais moi vous toucher un petit mot du groupe Avrigus, parce que c'est un groupe qui m'a beaucoup plu aussi, le deuxième qu'on vient de vous passer à l'instant. Et c'est un groupe moi qui m'a fait un peu mal au cœur, parce que c'est un groupe qui s'est aussi au passage fait avoir par son label, parce qu'ils n'ont jamais touché, malgré tout leur travail, un centime de royalty et autres sur tout ce qu'ils ont fait. Donc ils ont décidé à la fin, avec un gros ras-le-bol, de tout mettre en disposition en téléchargement libre, alors plus ou moins légal. Comme on a dû en parler en antenne, ils ont dû se taper un magnifique procès, même pas initié par les auteurs du groupe à mon avis. Mais bon, ça montre que partout pareil, hein, les choses changent. C'est ce qu'on disait, oui, tous des pourris, décidément, quel que soit l'hémisphère sur lequel on se trouve. Alors, quand Nathalie vous dit plus ou moins légal, attention, hein, on vous invite pas à télécharger illégalement, c'est absolument pas notre propos. C'est simplement la réflexion qu'on a eue avec Nathalie quand elle m'a appris ça, quand elle a fait des recherches à propos de ce groupe que je ne connaissais pas, Avrigus. Ce groupe d'Evenly, oui, ça me semblerait beaucoup. Voilà, ouais. Ça me semblerait assez logique que le procès était intenté, s'il y a eu procès, par le label, sachant qu'il doit se considérer comme propriétaire des chansons. Ça fait quand même mal au cœur de voir qu'un groupe qui a mis des heures de travail et tout, et qui espère quand même directement vivre de son art, soit obligé de tout balancer par rancœur et par dépit, pour pas que le label profite et ne leur donne rien, quoi. Un certain monsieur Reznor a fait la même chose, après tout, hein. Enfin bon, moi je dis, hein, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Voilà, oui. Comme on disait dans ce film italien, là, Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Moi je citais plutôt Snake Plissken, mais bon, chacun ses références. Tu sais ce film avec Claudia Cardinale et Alain Delon, là, je ne me souviens plus du nom du réalisateur, décidément. Bref, ça va nous revenir dans 2 heures. Étoré quelque chose. Toujours est-il qu'il y a des labels qui sont vraiment pourris, on vient d'en avoir un exemple, et l'argent n'a pas d'odeur. Il y a aussi des labels qui sont vraiment très bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Un label qui, moi, m'a émerveillé et auquel je dois beaucoup, c'est Prix Costevenier, un label français qui se trouve du côté de Nantes. Et c'est grâce à ce label que j'ai découvert, entre autres très bonnes choses, Louisa John Kroll. Qui est cette demoiselle? Alors, vous imaginez une petite fée australienne, enfin une petite, c'est une grande bringue, mais elle est toute fine, elle est blonde, elle est menue. Kylie Minogue 2? Pas tout à fait, parce qu'à mon avis, elles sont pas aussi... La seconde, celle dont je vous parle, moi, ce soir, est un petit peu plus discrète. Et vous imaginez vraiment quelqu'un qui a le charme d'une fée, mais version australienne, mais avec toute pâle, toute blondinette, avec des grands yeux bleus, et assez de défauts pour avoir du charme. The Girl Next Door. Ben non, pas tout à fait, mais on n'est pas très loin. Enfin bref, je vais arrêter de vous faire l'inventaire des charmes de la demoiselle. Si je vous dis tout ça en même temps, c'est parce que je l'ai vue en concert quelques années après l'avoir découverte. Il s'agit de Louisa John Kroll, que j'ai découverte grâce au label Prix Costevenier à l'occasion de son premier album, qui est sorti en 2001 en France, sur le label du même nom. L'album s'appelait Ariel, et il était inspiré par Alice au Pays des Merveilles, les chansons et tournées un petit peu de ce thème-là. Et elle a sorti de nombreux albums par la suite, mais j'ai jamais eu la surprise comme avec ce premier album. Je dis pas que les suivants sont moins bons, simplement ils ont tendance à répéter un petit peu les premières fois toujours. le thème, les thèmes explorés dans ce premier album, que ce soit les thèmes musicaux ou bien les thèmes abordés dans les paroles. Et je l'ai découvert sur scène en 2003 à Paris. Elle, à l'époque, elle faisait des collaborations avec Francesco Banchini, un Italien qui a joué notamment dans le groupe Gore, qui a aussi été percussionniste pour Ataraxia. Et tous les deux avaient fait une série de concerts en France, et je l'avais découvert sur scène en Europe et en France. Elle était passée par chez nous du côté de Paris. Et sur scène, c'est vraiment une petite demoiselle. C'est marrant parce qu'elle est grande, elle est menue, mais elle a une toute petite voix, mais quand elle parle, bah, tu l'écoutes. Il y a des gens qui ont un truc comme ça. C'est ça le charisme. Exactement, ça s'appelle peut-être le charisme, moi j'aurais dit le charme, mais à mon avis c'est un subtil mélange des deux. Et elle a ce côté accrocheur. Alors elle joue plusieurs instruments, notamment de la mandoline. Et, on te sent vraiment sous le charme quand tu en parles, c'est vrai. Faut dire que vous, chers auditeurs, vous ne voyez pas mes yeux qui brillent. Et Nathalie, à travers la vitre en plexiglas, peut vous décrire un petit peu effectivement l'état dans lequel je suis. Quand je parle de ce genre de personne, hein, je vous avais on déjà parlé. On est presque au niveau d'ataraxial. Non, pas tout à fait. Personne ne peut arriver au niveau d'Ataraxia. Mais faut croire que la petite demoiselle dont je vous parle ce soir, Louisa, n'est pas si loin. Et moi, je vous propose de vous faire une idée de ce premier album avec un morceau qui m'avait beaucoup touché, que j'avais déjà passé sur Rage il y a fort longtemps et que j'ai beaucoup de plaisir à vous repasser ce soir. Un extrait de l'album Ariel et le morceau s'appelle Black Bird. Listen. Clair Obscur, le meilleur des musiques sombres, sur Rage. Of a brave new world, our God-forsaken. Ah, c'était difficile de faire une émission consacrée à l'Australie en faisant l'impasse sur Lisa Gerrard, bien entendu, avec son fameux groupe Dead Can Dance, dont elle a fait partie pendant je ne sais pas combien d'années, une bonne quinzaine d'années, qu'elle a créé en Angleterre. Donc cette Australienne, ce Britannique ont fait des choses vraiment merveilleuses, dont les deux extraits de l'album Ion qu'on vient d'écouter, The Arrival and the Reunion, et ensuite Black Sun, qui étaient des extraits de l'album Ion, donc qui était sorti au début des années 90, et c'était enchaîné juste avant avec Louisa John Kroll et un extrait de l'album Ariel qui lui était sorti en 2001 et le morceau s'appelait Black Bird. On arrive tout doucement vers la fin de cette émission. On aurait aimé vous passer encore plus de trucs mais on n'a décidément pas le temps, donc on est à peu près sûr qu'on vous fera une seconde émission consacrée à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Quand, on ne sait pas, mais bon, restez branchés sur Rage et vous serez tenus au courant, bien entendu. Voilà, on vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. Et on va finir avec un petit morceau que tu nous as ramené, Nathalie, puisque tout à l'heure, tu parlais de la collaboration de Nick Cave et de Kylie Minogue. Oui, vous avez entendu parler ce soir deux, trois fois, faire des petites allusions à la chanteuse Kylie Minogue, qui, a priori, n'a pas grand-chose à faire dans une émission dédiée aux musiques sombres. Et pourtant, il faut savoir que, comme je disais, les contraires s'attirent, les extrêmes peuvent donner de très belles choses. Car cette petite dame, parce qu'elle est toute petite, je crois qu'elle est même plus petite que moi, c'est dire, a collaboré avec Nick Cave, qui est quand même le grand bonhomme du monde dark, surtout australien, avec un morceau que je trouve vraiment magnifique, qui se nomme « Where the Wild Rose Grown ». Et franchement, je vous laisse avec cette petite merveille, parce qu'elle ne fait pas que de la pop. Elle fait aussi ce genre de choses. Où poussent les roses sauvages ? Eh bien, elles poussent sur Rage. On vous laisse avec la playlist. On vous dit bonne fin de soirée et à bientôt. Bonne nuit. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, why they call me that I do not know, for my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower, she was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose, do not know, for my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river, he showed me the roses and we kissed, and the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his face. On the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the Wild Rose, but my name was Day. Why they call me, I do not know, for my name was Eliza Day. was Eliza Day.